pas parler de course automobile avec notre ami Patrick Carpentier. C'est la saison de NASCAR qui débute en fin de semaine avec le Daytona 500. Ben, il y a eu une petite pratique la semaine passée. On en parle avec Pat Carpentier. Salut, Pat. Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Pat, avant de parler de la saison, deux nouvelles qui sont sorties ce matin. Une bonne et une mauvaise pour nos pilotes québécois. Raphaël Lessard, trois courses en camionnette confirmées jusqu'à maintenant. C'est vraiment intéressant. C'est une bonne, c'est une belle nouvelle pour le pilote de la Beauce. Oui, c'est une bonne nouvelle pour Raphaël. Écoute, on t'inquiète un peu. J'avais mangé avec ses parents. On s'était parlé pour savoir, eux autres voulaient savoir un peu quoi faire pour la saison qui s'en venait. Écoute, c'est une excellente nouvelle, surtout que c'est avec Kyle Busch Motorsports. C'est une très, très bonne équipe. Puis écoute, Ryan Preece qui va monter en série Monster Energy cette année, en Cup, la grosse série, a fait la même chose. Il est allé chez Joe Gibbs Racing, il a pris l'argent qu'il avait, il a pris trois, quatre courses au lieu de faire une saison complète dans une équipe de fond de gris. Il a décidé de mettre le paquet, puis de passer à l'avant. La seule chose qui m'inquiète pour Raphaël, c'est que, étant donné qu'ils font ces trois courses-là, j'espère qu'ils font une autre série, comme la Pinty's ou une série aux États-Unis ou Arca ou quelque chose comme ça, parce que à son âge, pour le développement, il a besoin de tourner. Faut qu'il tourne tout le temps. Fait que pour lui, ça va être assez difficile d'arriver sur trois circuits, dont le premier est à Bristol, puis de performer en partant dans une nouvelle série, une série beaucoup plus grosse que ce qu'il a, à laquelle il a participé jusqu'à présent. Fait que c'est un gros changement. Il y a des pilotes assez assez ferré, quoi que Raphaël, d'après moi, il a un talent assez exceptionnel, mais c'est beaucoup juste trois courses pour un pilote, mais Raphaël est capable. Écoute, oui. Si ça va bien, ça pourrait l'être. Y a-t-il une grosse différence? Tu l'as fait, Patrick, en camionnette. Je pense que tu te rappelles bien, tu as fait une course en camionnette. Y a-t-il une grosse différence d'adaptation entre la camionnette et l'Infiniti dans le cas de ou encore pour. Moi, j'avais trouvé la camionnette plus facile un petit peu. C'était à Bristol, justement. Okay. J'avais la COP puis la camionnette. Puis j'avais trouvé la camionnette un peu plus facile que la Xfinity puis la COP. C'est une série d'entrée de jeu, si tu veux, sur le plan national, là, aux États-Unis. Ouais. Les trois grosses séries NASCAR. Fait que je pense qu'il devrait être assez à l'aise. Ce que j'aime, c'est que Bristol, pour Raphaël, c'est vraiment son circuit favori. Écoute, il a déjà gagné. Il marche à côté et à côté sur ce circuit-là. Il est hyper rapide. Fait que de ce côté-là, mais c'est la bonne place pour le faire. T'sais. Fait que on va se croiser les doigts puis espérer que ça fonctionne. T'as pas eu une nouvelle de mentionner, j'aimerais ça le voir dans une autre série également, pas juste trois courses. Qu'est-ce qui sent mieux, l'Arca ou la Pinty's? Ben écoute, s'il peut faire l'Arca du côté des États-Unis, c'est moi j'aime l'Arca pour une raison. Okay. Ben parce que pour lui, écoute, il veut aller courir du côté des États-Unis. Ouais. Fait qu'il est mieux d'aller en Arca. S'il veut courir au Canada, la Pinty's est la plus belle série que tu peux pas avoir au Canada, surtout avec Grand Prix Trois-Rivières, ça va un peu partout, à Toronto, pendant le Indy. Ils font des beaux circuits, ils vont dans Beauce, ils vont partout. Fait que, tu sais, c'est la côte ouest canadienne aussi. Fait que moi, je pense que c'est la plus belle série canadienne, la série Pinty's, la plus compétitive. Écoute, il y a des canons là-dedans, là, avec les Endouranger, Tagliani, ouais. Toute la gang au complet, là. Dumoulin, ainsi de suite. Fait que, il pourrait avoir bien du plaisir là-dedans, mais sauf que si tu allais courir aux États-Unis, c'est pas la série qui va t'amener aux États-Unis. OK. Non, c'est parce que je me demandais je me demandais, dans le fond, comme pilote, pour l'avancement de la carrière du pilote, pas nécessairement pour sa carrière comme telle, parce que... Ça serait important parce que, écoute, c'est la série la plus compétitive, la Pinty's, que, mettons, Raphaël pourrait participer. Tu regardes Alex Labbé, des circonstances avec Can-Am, tout, ils l'ont monté une couple d'années aux États-Unis. Puis Mooney, là, qui était là-dedans aussi. Mais sauf que pour Raphaël, écoute, ça serait incroyable. Ça serait d'aller chercher de l'expérience comme nulle part ailleurs. Là, parce que c'est vraiment une série professionnelle. Les gars qui sont là-dedans sont professionnels. C'est compétitif. C'est beaucoup plus facile d'aller chercher des commandites pour une série de ce type-là que d'aller en Arca aux États-Unis. OK. Mauvaise nouvelle, par contre, Alex Labbé. Écoute, moi, je suis pas surpris, parce que lui-même, je pense qu'il était pas surpris. J'avais parlé à sa fin de saison, puis tu sais, il disait, ah, c'est pas fait encore, c'est pas sûr encore. Puis tu sais, il n'y a pas juste les paroles, il y a le ton aussi. Hein, puis il me semble qu'il n'y avait pas de l'air optimiste à la fin de la saison. Puis c'était confirmé, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de volant. Je trouve ça de valeur pour un gars quand même qui a fait très, très bien avec très peu de moyens. Là. Oui, exactement. Moi, écoute, il m'a impressionné, là. C'est incroyable. Pour ce qu'on fait, lui, de Mario Gosselin, ouais. Avec le budget qu'il avait, je sais pas, j'ai couru pour Canam à Sonoma, en Californie, là. Tu sais, écoute, je faisais 5 ans à pas tourner dans la voiture. La deuxième pratique, on l'a pas fait parce qu'on n'avait pas de pneus pour la faire, là. Tu sais, ça donne une idée un peu de ce que c'est. Mais sauf que, écoute, c'est incroyable, là. Puis, merci à Alain Mounet d'avoir tout mis ça ensemble. Les gars de Canam, ça a permis à Alex vraiment d'aller expérimenter du côté des États-Unis en Infiniti. Par contre, si t'es pas dans un top team à gros budget avec les meilleurs moteurs, c'est vraiment difficile de continuer d'évoluer. T'sais. Moi, j'aurais aimé peut-être voir Alex faire une dizaine de courses au lieu de 30-36. Et puis d'être dans une hyper bonne équipe, parce qu'Alex, tu voyais, là, écoute, il avait un talent exceptionnel. Il était hyper malchanceux à Charlotte sur le circuit routier, une coupe de place, mais sauf que c'est un pilote très rapide. Mais par contre, tu sais, là, tu vois que c'est l'argent, c'est rien qu'une question d'argent, hein, parce que il me semble qu'avec, tu sais, il a dû se faire voir, pareil, il a dû se faire reconnaître avec le peu de moyens qu'il avait. Oui, mais sauf que, tu sais, puis. C'est l'argent, c'est ça, tu vois, qui vient avec l'argent, c'est pas nécessairement le talent. Ça a toujours été, tu sais, la course automobile, ça prend plus d'argent que n'importe quel autre sport, mais tu pars du Canada pour aller aux États-Unis, c'est difficile d'approcher des entreprises américaines qui vont aller chercher. Tu sais, je regarde Noah Gregson qui vient de signer en Xfinity cette année, hyper rapide, son père, il a des budgets illimités, fait que lui, pour son père, c'est super facile parce qu'il fait... C'est qu'il va chercher une compagnie, il dit, mettez 1 million, moi je vais en mettre 1,5. Fait que vous allez avoir de la publicité pour 2,5 millions, ça va coûter 1 million. Fait que lui, il peut faire ça. Mais à part de ça, il n'y a pas grand monde qui peut faire ça à partir du Québec ou du Canada. Voilà. C'est tout une tristesse. À quoi s'attendre de l'année de la saison NASCAR cette année? La question que je me pose, est-ce qu'on a fait des modifications concernant la durée? Parce que c'était les codes d'écoute à la baisse, on avait fait quelque chose, puis on en avait parlé aussi, puis on en a parlé en dehors des ondes, il y a-tu quelque chose, mais je pense qu'il n'y a rien qui a été fait là-dessus. Là. Eh bien, il y a beaucoup de choses qui ont changé, NASCAR. Okay. Écoute, je les applaudis parce que, moi, tu sais, la fin de saison, le championnat, moi, je pense que c'est le meilleur championnat qu'il n'y a pas en ce moment au niveau de l'action, tu sais, en fin de course, surtout en fin de championnat, de la façon dont les séries sont faites, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment, les autres séries devraient prendre exemple là-dessus, justement. Mais sauf que les courses sont trop longues, sont bien trop longues. Puis NASCAR le savent, tu sais. Ils recommencent, ils vont recommencer à retourner à la base du sport. Ils vont recommencer, je pense, à retourner en 2020-21 sur les plus petits circuits. Okay. Les circuits plus serrés, les circuits d'où ils viennent, les circuits là au Tennessee, des circuits qui font plus maintenant. Je pense qu'ils vont commencer à délaisser quelques ovales d'un mille et demi. Au lieu d'y aller deux fois, ils vont y aller une fois, mais sauf qu'ils vont aller courir sur des circuits qui sont plus propices à de l'action. Puis je pense qu'au niveau de la longueur des épreuves, c'est une chose qui est sur la table depuis quelques années. Là. Puis justement, ils en ont parlé en début de saison, que c'est quelque chose qu'ils regardent pour faire des changements. OK. Les pilotes, qu'est-ce qu'il faut surveiller de plus? Y a-t-il quelques... les écuries, y a-t-il des modifications qui ont été faites? Y a-t-il quelque chose? Ben écoute, il y a beaucoup de choses qui ont été changés. Truex est rentré chez Joe Gibbs Racing dans la 19, l'ancienne auto de Suarez. C'était Carl Edwards qui était dedans avant. Ça devrait être hyper impressionnant de ce côté-là. Il est avec Kyle Busch maintenant, coéquipier. Les deux, l'an passé, ont été cherchés 12 victoires. Là. C'est quand même pas mal. T'as Harvick qui est toujours rapide, qui a gagné un duel. Logano a gagné l'autre duel. Les canons, d'habitude, devraient être à l'avant, mais écoute, il y a tellement eu de changements au niveau de l'appui aérodynamique, des voitures pour justement simuler plus de dépassements, plus de la série. T'avais bien fort là-dessus. Fait que après Daytona, on va tomber dans la nouvelle réglementation. J'ai hâte de voir. Je pense que ça va faire des courses, j'espère en tout cas, moins longues. Parce que 4 heures, je veux pas dans le milieu de la course. Là. C'est une heure dans le milieu qui est un petit peu long. Fait qu'on va voir ce que ça va donner cette année. OK. Patrick, un gros merci. On va s'en reparler tout au long de la saison. Hey, merci. Patrick Carpentier, notre spécialiste de course automobile.